Et mon koto n'est pas mon village. Imemenge n'est pas mon chef. Et Minzo Tsue. Solo Kao, les chefs du camp vous appellent. Où serait Kambongo pour tuer? Où m'en faut les faka pour couper mon cou? Mbondon cry. Hervé Mwanza, Désiré Totie, Samba Mute Samba, Zaina Mwana Mvwama, Eric Nemalemba, DG. Oyo yo, Eine Lingai, Oyo yo, Echebe Lingai. Mambo, let's go. Oyo yo, Eine Lingai, Prisda P. Oyo yo, Echebe Lingai. Oyo yo, Mireille Aouchouaï. Laisse ma fouta, ma se chibouye. Papi ma sita ma sitole. Papi kaba kiriko. Correction devoir à dictabolingo nangai. Sur le papier le lo Patrick Obesino nga zéro. Professeur Polo Santa, la royaume des Pays-Bas. Na contexte habile ngi meko besino nga zéro. Poye salite pona remplace ki le no amour. Na komo na yo Patrick Mekae. Mawe koma présent na katia bongo na ngai. Lokola nzala vraiment na katia libu mwa moto ampiaka. Jezaye bana ki pasa la ki fisa charpentier. Poko ye bagena linga ki osoko ke kuna ye simbite. Oyo yo, hey inde lingai. Oyo yo, echebe lingai. Oyo yo, hey inde lingai. Oyo yo, echebe lingai. Bobete babote Patrick Liondo, Martin Semasinda. Maswa boulaka un jour à ton aïe château. Cordonné à revaka un jour à fabriquer payaye Weston. Koutira son jaka un jour à salaye koma. Recevera à boulaka un jour babengaye pe mo pao. Avec les jetés na boulaka un jour na love na yo. Na comment jelou parmi les humains. Oyo yo, Patrick Mekaye. Oyo yo. Flori Luba Kilebo, Tubingoi, Sertin Tomo Espoir Yanjile. Kona bilenge ngali ya kolembola sosa bilola. Kilota satema nange komyo beta bwini kenga naswe. Dire so bilenge na yomeka pusana pona za bien fiakra. Chauffe o eswe monte zolinge chauffe maina kantine. Alino matumona. Esika satema nange sukine ya yo ebandi. Talanga na biso bomo si bwini menga kimo balie. Tose pelele linge nzamba pesa biso ya ufele. Bongama e Patrick Mekae. Ben Dolce Festival. Mo pepe ya bilenge leki wapi ngoya o. Ndakusa klostra santima nange ponyoki. Awa molunge chero komyo sengo longola mwa manto. Waga kuna mwa mayo. Chango kuna mwa bikini na sepeliso na divan. Rocky de 4 koko ya emotion. Parampolo Thierry Mongita. Na provisione ba plaisir na zo zelo tofni. Yo moto le sanga te dremba ki ndoki ya kato kende se soir. Na boy obscurite sole ma bona sabolo. Iso ba bona bilenge to se retrouva ka facile ma pedo tsotsa. Fabrice Mola. Patrick Emeka pamela nga motema na yo yesa ya bolingo. Claude Bantihita kodare malangu. Bolingo ekoti viris epa ya bachalou. Alain Bwese, Chico Mabele Mame, Bernet Mayukula. Richard Lofombolof, Rambo Showbiz. Yakana nos na robe de nuit. Smoking nanga esa presa. Obina mabina bilenge sanga monda. Loboko pilote sur le vieux. Longo la frère poto leka. Chagui Moussa. La bébé dans les litres, ingera ngana boye sala console na mbokwe. Ema ngana moko ngolo kola tangwe indaka na libi. Sala ngolo kola Winchester na ba filme ya western. Na matapu na bilingi na shele koko. Shele koko. Bichu botoko. Ele koko. Ele komsa. Mama shele koko. Shele koko. Shele koko. Vasco Mabiala. Na lova yeza la jakato. Hello, Nazvi, Omar Ewenze. Bolingo na yo nzo loko na motima cicatrice nango ekosila ka jamais bebe verte na ngai nandimi jijir avec toi mosusu wana nga nazoboya pesanga bolingo na motima jalousement nakutani na papi kapai papi kaba lete kabe ya korino Karine Kambembo pinzolinanga esali ba catastrophe ekoluka inondation banaka bate kolinda bokolukanga provocateur nazobanga yeyeye Patrick Mekai nasalanga papier vierge okotisinga na mashine dactylo obetibetingo komisinga na makomi aposundolinga mpo bateki nguba yose deja posa na yo mama yoyoyo yango nakomi lokola moto bazosala suki na sasu ebandeli malamu vrema na suki akomosoajoli nzingula portina masamba keli nsumbu na ngai Didi Kinoani, le grand acheteur de diamants.